c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Beaucoup de voyageurs aiment emporter avec eux un peu de musique pour les accompagner, pour remplir les creux de leur périple ou en sublimer certains moments. Il n'y a pas longtemps, l'astronaute Thomas Pesquet nous a raconté dans cette émission qu'il s'était préparé une playlist de plus de 170 morceaux pour l'accompagner lors de son séjour à bord de la Station Spatiale Internationale. Nombreux sont les voyageurs qui aiment joindre la musique au mouvement. Plus rares sont ceux qui utilisent leur voyage comme source d'inspiration pour composer des morceaux. C'est le cas de Tilassine. Il y a quelques années, ce compositeur de musique électronique a pris le Transsibérien. Et sur la plus longue ligne de chemin de fer du monde, il a enregistré, observé, rencontré. De cette traversée de la Russie est né son album Transsibérian, sorti en 2015. Et l'expérience lui a plu, semble-t-il, puisque son dernier album Roads, volume 1, sorti en début d'année, est lui le fruit d'une traversée de l'Argentine en caravane. Comment le compositeur nourrit-il sa musique de ses voyages? C'est ce que nous allons découvrir cet après-midi. Tilassine nous emmène à la source de ses inspirations dans les méandres de son travail de création. Et en fin d'émission, nous retrouverons Éric Birloez pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, il nous emmène sur les routes du kiwi. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. J'ai bossé jusqu'au lever du jour. Je suis allé prendre pas mal de sons, donc peut-être qu'il faudra que mon air fasse. Mais en fait, avec la cellule, je suis allé choper les sons sur les entrepasserelles. Tu vois, j'ai foutu un peu partout, sur la vitre, sur le sol, un peu partout, quoi. Nous étions avec vous, Tilassine, à bord du Transsibérien en 2015. Le son du train sur les rails, on l'entend derrière nous, hein, c'est vous qui avez enregistré ce son du Transsibérien. C'est une sonorité, un rythme intéressant pour le compositeur que vous êtes? C'est intéressant et surtout c'est tellement entêtant, quoi, parce que c'est le rythme qui m'a accompagné pendant plus d'une semaine. J'ai fait une semaine de train au total, c'est assez énorme. Et donc c'était obligé pour moi de l'utiliser, quoi. C'est, ouais. C'est le rythme qui berce tous mes levers, mes couchers, enfin voilà, qui berce toute la journée en fait. Ouais. Et donc évidemment, c'est devenu la base rythmique d'un morceau qui Exactement. Est en train de naître dans nos oreilles. Et c'est comme ça que le morceau est né d'ailleurs. C'est vraiment parti de cette base rythmique et j'ai respecté un petit peu les phases de composition. Ce qu'on entend, c'est dans l'ordre, on va dire, quoi. Je rajoute des petites choses petit à petit et ça crée le morceau comme ça. Alors ça, par exemple, vous l'avez composé, vous étiez précisément dans le Transsibérien, ouais, avec vos machines, c'est ça. Bercé par le mouvement du train, et en même temps, vous composiez ce morceau. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai enregistré le son et le moment où j'ai composé le morceau, il s'est passé quelques minutes, quelques heures maximum, quoi. C'était un petit peu le but. Le but, c'était d'avoir, de se nourrir de sons, de rencontres et de tout ça, mais aussi de se nourrir de l'inspiration de manière générale, de pouvoir rester la tête collée à la fenêtre pendant des heures et se perdre là-dedans et composer pendant ce moment-là, quoi. Il y a quelque chose d'hypnotique dans les paysages que l'on traverse à bord de ce Transsibérien? Bah, totalement. En fait, il y a des jours entiers avec juste uniquement de la taïga ou des plaines. C'est très hypnotique. On se perd. Il y a une énorme mélancolie, c'est assez puissant. Enfin, moi, j'ai choisi aussi ce lieu, ce train, parce que il a une inspiration déjà dans la littérature, dans plein de choses comme ça. L'idée, c'était de réinventer, enfin, réinterpréter ça en manière plus actuelle en musique. Après vos deux premiers EP, vous avez décidé de partir composer votre premier album. C'était votre premier album, ouais, en Transsibérien. Donc tout de suite, le goût du voyage, l'appel de l'ailleurs pour se nourrir, pour avoir de la matière pour composer. Pourtant, ouais, vous n'êtes pas un voyageur né. Vos parents ne voyageaient pas beaucoup, je crois. Alors pourquoi ce besoin d'aller voyager pour composer? En fait, c'est même un constat presque pas technique, mais où je me demandais pourquoi il y a des semaines, je pouvais bosser sans relâche sur un morceau et il n'y avait rien de très intéressant qui en sortait à la fin. Et des fois, en une journée, deux journées, dans un lieu, dans un contexte un peu particulier, il y avait quelque chose qui naissait, qui avait une histoire déjà, qui était fort et qui marchait directement. Donc j'ai essayé de voir quels étaient vraiment les éléments qui était nécessaire pour moi. C'était quoi la recette, en fait, ouais. quoi. Et il s'avère que le voyage, dans le voyage, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient bien. Il y avait le fait de se couper un peu de tout, de laisser un peu tout de côté, d'avoir du temps, en fait, devant soi, de pas avoir un rendez-vous, et de pouvoir vraiment se perdre là-dedans, de rencontrer des gens, d'être toujours dans un lieu différent. Je m'étais rendu compte que je pouvais pas composer de morceaux, plus de 3 morceaux dans un même lieu. C'est assez bizarre, mais voilà, c'était, ah oui, c'était une règle empirique. Voilà, c'était une sorte de règle comme ça. En ouais. fait, au bout d'un moment, je tournais en rond, je faisais plus rien d'intéressant. Ce qui devient compliqué quand on n'a pas envie de déménager tous les 3 mois. Et donc voilà, le voyage répondait un petit peu à toutes ces questions. Mais voilà, c'était juste une thèse. Et le Transsibérien, c'était pour valider cette thèse, en fait. Et le Transsibérien en a inspiré d'autres avant vous, hein, commencé par Blaise Cendrars. Voici un extrait du Transsibérien, de la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, de Blaise Cendrars, c'est lu par Bernard Lavilliers. J'étais très heureux, insouciant. Je croyais jouer au brigand. Nous avions volé le trésor de Golconde. Nous allions, grâce au Transsibérien, le cacher de l'autre côté du monde. Et pourtant, j'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train, la moelle chemin de fer des psychiatres américains, le bruit des portes, des voix, des essieux grinçant sur les rails congelés, le ferlin d'or de mon avenir. Mon Browning, le piano et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté, l'épatante présence de Jeanne. L'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir et qui me regardait en passant. Froissi de femme et le sifflement de la vapeur. Et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel. Les vitres sont givrées, pas de nature. Et derrière les plaines sibériennes, le ciel bas et les grandes ombres des taciturnes qui montent et qui descendent. Un extrait donc de la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France de Blaise Cendrars, lu par Bernard Lavilliers. Alors on ne sait pas si Blaise Cendrars a vraiment pris le Transsibérien, ouais. mais qu'importe si j'ai pris ce train, puisque je l'ai fait prendre à des milliers de gens, avait-il déclaré. Vous reconnaissez un peu de votre voyage dans ce qu'il décrit, même si les trains ne sifflent plus, hein, les trains à vapeur, mais ce bruit et puis cette ambiance qu'il décrit très bien. Il y a une vie surtout, c'est parce que c'est vraiment le train du peuple, hein. Faut pas confondre avec l'Orient Express ou autre, c'est le train du peuple. Et quand on se balade dans les troisièmes classes, qu'on passe des soirées avec des militaires, enfin voilà, il y a une ambiance qui est assez forte, quoi. Il y a toute une vie parce que voilà, moi au maximum j'ai dû faire 4 jours sans sortir du train à part des pauses de 10 minutes, 15 minutes. Donc forcément il y a toute une vie qui se crée à l'intérieur et c'est très très riche. Ouais. Alors c'est pas un seul et même train, ce Transsibérien, si j'ai bien compris. En fait c'est une ligne. C'est une ligne. Ouais. C'est une ligne et on prend des trains. Alors parfois au bout de 3 jours on doit changer de train pour continuer le trajet, mais ça dure c'est long de plus de 9000 kilomètres, donc effectivement, ouais. Il doit y avoir des temps morts. Et puis c'est pas rapide, hein. Ouais. Mais moi c'est ce que j'aimais en fait, quoi. En vitesse de pointe, on a dû faire 80 km/h, quoi. Ouais. Et du coup, il y a le temps de se perdre vraiment dans le paysage, en fait. On est vraiment à l'intérieur. Et le but c'était ça, c'est qu'à l'époque, en fait, moi je tournais beaucoup en train, je faisais voilà les concerts en train, et j'aimais bien cette espèce de cocon, de bulle que j'avais. J'avais le paysage qui défilait, il y avait des gens autour de moi, et en même temps j'avais le confort nécessaire pour composer, j'avais l'électricité, tout était bien. Et donc je m'étais dit là j'ai des heures et des heures à perdre là-dedans pour créer, et donc c'est parfait, quoi. Vous aviez votre petite cabine pour pouvoir vous mettre quand même, vous isoler et composer parfois dans ce train. Ouais, c'est ça, c'est une toute petite cabine, j'allais chercher l'électricité, il y avait qu'un point d'électricité pour tout le wagon en fait, donc j'avais plein de rallonges, de multiprises pour pouvoir partager un peu avec tout le monde, et je tirais ça pour ramener jusqu'à dans ma petite cabine, des fois ça se coupait, enfin voilà, et une micro-table, et puis la fenêtre, et puis voilà, quoi. Et comment vous étiez perçu par les autres passagers du train, un peu, comme une sorte de barge un peu? On comprenait ce que vous faisiez? Un petit peu, en fait. Y en a qui comprenaient parce qu'il y avait ce rapport à la mélancolie du Transsibérien. Mais vu que c'est justement le train du peuple, que c'est pas forcément, c'est en général les gens qui ont le moins d'argent qui vont le prendre. Du coup, les gens s'étonnaient que quelqu'un venu d'Europe le prenne comme ça pour en plus composer dedans. Et il y avait en plus de la musique électronique. Il y avait aussi une barrière. Mais ce qui était génial, c'est c'est quand on s'arrêtait dans des gares pour quelques minutes, et moi j'étais un peu à fond derrière la fenêtre comme ça, pas à danser mais à sautiller, et puis il y a des gens sur le quai de la gare où moi je les avais oubliés forcément, qui me regardaient comme ça. Ça fait des moments assez sympas. Alors quand le train s'arrêtait en gare, évidemment il vous arrivait quand même d'en descendre, et pas uniquement pour vous dégourdir les jambes, aussi pour aller recueillir les sonorités de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Et là aussi vous avez fait de très belles découvertes. Ouais, c'était très important, très inspirant, et j'ai pu faire énormément de rencontres humaines et aussi musicales. En fait, je m'attendais pas à pouvoir enregistrer autant de voix, autant de diversité de choses. J'avais pas prévu grand chose et on s'est un peu laissé embarquer. J'ai fini des fois au milieu de la taïga, enregistrer des petites grand-mères dans des villages, ou à passer 2 jours avec un chaman au bord du lac Baïkal. Voilà, c'est plein d'expériences complètement folles, et en fait pendant ces quelques jours d'arrêt, j'enregistrais énormément de choses, je faisais énormément de rencontres, je dormais assez peu, j'essayais d'en profiter un maximum, et après je repartais avec tout ça dans le train, avec des heures et des journées entières à n'avoir qu'à créer avec toute cette matière, en fait. Alors cette matière, par exemple, vous avez pu la recueillir à Irkoutsk, donc en Sibérie bien sûr, et vous y avez rencontré des polyphonistes. C'est vous, hein, Tilassine, qui avez enregistré ces voix de chanteurs polyphonistes à Irkoutsk. Je crois que cette rencontre vous a particulièrement marqué, parce qu'en plus elle entrait un peu en résonance avec votre propre démarche. Ouais, exactement. En fait, ils allaient collecter des vieux chants comme ça dans des tout petits villages qui allaient se faire ensevelir par des barrages, en fait. Donc il y avait toute un travail, une recherche d'essayer de faire perdurer en fait cette musique, et puis c'était assez magnifique. On était au bord d'une rivière, on entend un petit peu les clapotis de l'eau, on s'était donné rendez-vous là, j'avais aucune idée de ce à quoi j'allais faire face, et c'était magnifique, c'était un moment hyper beau. Mais vous les avez rencontrés par hasard, ou vous saviez en vous rendant à cet endroit que vous les trouvez, parce que ça paraît presque incroyable de les rencontrer. Eux, je les ai contactés en amont, en fait. Ça fait partie de, il y en a peu comme ça, mais eux, ça fait partie où, je sais plus, je crois que c'était sur YouTube, j'étais tombé sur des vidéos comme ça, et voilà, j'avais une traductrice russe qui m'accompagnait et qui m'a aidé à contacter des gens comme ça. Donc ça, c'était le cas. Bon, après, les petites grand-mères dans la taïga et tout ça, c'était on s'est un peu fait embarquer aussi parfois par des gens. Des fois, en fait, on essayait d'avoir un contact à chaque endroit où on s'arrêtait, et ce contact-là, après, selon comment ça se passait, nous emmenait dans plein d'endroits, nous faisait rencontrer des gens, et il y avait une volonté comme ça aussi de partager leur musique, en fait. Alors avec les chanteurs polyphonistes d'Irkoutsk, vous avez ensuite créé un morceau qui s'appelle Irkoutsk. On l'écoute. Oh, Irkoutsk, titre extrait de votre album Transsibériane, sorti en 2015, Tilassine. On l'entend hein, dans ce titre, vraiment la présence des voix humaines est sensible. On l'entend beaucoup. Vous aimez marier l'électro avec du son organique. Ouais, bah là c'est totalement le cas. Quand j'ai une matière aussi magnifique que celle-ci, c'est de la faire voyager un petit peu plus. Et là, c'est typiquement, on ressent vraiment le côté très répétitif du train, en fait, qui se mêle à ça, avec cette espèce de rythmique qui se développe. C'est vraiment l'exemple même de aller rencontrer des gens, de partager un moment avec eux, de retourner dans le train et de composer avec ça, quoi. Vous avez parlé de votre musique, de votre travail de composition de musique électro avec ces chanteurs traditionnels. Oui, bien sûr. Quand j'ai le temps, ça me permet de développer. Mais j'ai plutôt une démarche où moi j'ai envie d'être dans la curiosité. J'ai envie surtout moi les questionner. J'ai pas envie de me ramener dire ah moi je fais ça, je fais ça. Et j'ai envie que eux me racontent leur vie, leur rapport à la musique. Et j'ai besoin de me nourrir un peu de tout ça. J'essaie pas de prendre trop de place en fait. Vous leur avez envoyé après coup cette composition. Et ils ont réagi comment à ce travail? Je suis allé plus loin que ça. Enfin, je suis retourné en Russie en fait après. J'ai pas refait tout le périple, mais c'était important pour moi de retourner là-bas, de remercier des gens, de donner des CD aussi. C'était important pour moi aussi de leur faire signer des contrats, qu'ils puissent avoir des rétributions avec le moment et le partage qu'ils ont fait avec moi. C'était très fort. J'ai essayé de les faire venir pour faire des morceaux aussi. Ça a été compliqué, mais voilà, c'est un vrai échange et le but c'est que ça soit pas juste pendant une semaine et après tout le contact est rompu, quoi. Alors votre voyage à bord du Transsibérien a duré 13 jours. Au terme de ce voyage, vous saviez que vous reprendriez la route pour d'autres compositions, que le voyage ferait maintenant toujours partie un peu de votre travail de compositeur. Ouais, c'était le cas à la fin, ouais. Et c'était pas du tout le cas au début. Hein. Ouais, vous étiez pas sûr que ça marche, c'était un test. Non, c'était vraiment un test. C'est-à-dire que j'avais essayé de mettre tous les ingrédients, quoi. Mais on sait jamais comment ça va se passer. Surtout, c'était un challenge. Je savais même pas si j'allais faire un album. Hein. Je m'étais dit peut-être 5-6 morceaux, ça suffit, c'est bien. C'est un temps très très court, donc c'est compliqué, quoi. En général, les artistes mettent un an, deux ans à faire un album. Là, c'était vraiment un gros challenge. Mais ça s'est merveilleusement bien passé. J'étais aussi en jeûne avant, c'est-à-dire que j'ai pas composé pendant des mois et des mois pour être très, très frais, avoir une vraie envie de raconter en fait. Et en 2018, l'envie était là. Vous êtes parti pour un nouveau périple artistique, plus long et plus libre aussi, hein, puisque là, vous avez retapé une caravane. Alors, ces caravanes américaines, couleur métal argenté aux formes arrondies, hein, pour qu'on se fasse un peu l'image en tête. Vous mettez le cap sur l'Argentine. Pourquoi l'Argentine cette fois ? Pourquoi l'Argentine? Alors c'est vrai que le point de départ c'était vraiment cet objet en fait. Quand je suis rentré du Transsibérien, je me suis dit ok c'est génial, ça me permet en plus de raconter une histoire avec une chronologie des rencontres et tout, et ça fait un album qui a un sens, c'est pas une succession de morceaux. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça qui marchaient pour moi en tout cas. Mais les seules contraintes que j'avais c'était forcément les billets de train, la destination, le temps, et donc voilà. Et puis aussi une composition uniquement au casque dans le train, je pouvais pas enregistrer des instruments, des choses comme ça, il y avait énormément de bruit. J'étais juste au casque avec très peu de matériel en fait. Donc je me suis mis en tête de créer un vrai studio qui soit en plus quitte à aller au fond, qui soit autonome en énergie. Donc je l'ai couvert de panneaux, j'ai couvert le toit de panneaux solaires, donc c'était un énorme chantier. Et une fois que j'ai créé tout ça, effectivement j'ai commencé à chercher des destinations, et je cherchais déjà un continent où j'étais jamais allé. L'Amérique du Sud, j'y étais jamais allé, bizarrement. J'ai fait beaucoup de continents en tournée, mais jamais l'Amérique du Sud. Et je cherchais un pays qui avait un rapport fort à la route, un pays où je pouvais vraiment me perdre, aller au milieu de nulle part, quoi. Et je suis tombé sur l'Argentine, je crois, avec un musicien qui s'appelle Gustavo Santaolalla, qui compose pour de la musique de film aussi, voilà. Et je suis tombé un peu amoureux de sa musique, et du coup, j'ai en cherchant un petit peu plus sur l'histoire qu'il avait avec l'Argentine, je me suis dit ok, c'est ça. Et dès que j'ai trouvé un cargo qui m'envoyait, qui me permettait d'envoyer parce qu'il y a quand même ça. Ouais, c'est ça. Une fois que vous aviez retapé la caravane, 5 mois hein, pour lui mettre tous ses panneaux solaires, en faire un studio roulant, il fallait encore l'expédier en Argentine. Exactement, ouais, ça a mis un mois de cargo. Chicago pour arriver à Buenos Aires, quoi. Mais oui, ça a été un chantier assez énorme. J'ai travaillé avec un acousticien pour faire vraiment un vrai studio professionnel, quoi. Donc, il y a une cuisine, il y a une douche. Voilà, ouais. Dolly, c'est alors une petite maison. Quand on a mis autant de préparation, là, c'est comme vous le dites, hein, c'est pas juste un billet de train et puis hop, on va regarder. Ouais. Là, il y a du temps de préparation. Vous en aviez un peu parlé autour de vous, y compris dans les médias. Vous partez sur la route. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous vous dites, il y a intérêt à ce que ça marche? Je peux pas revenir bredouille? Là, l'avantage que j'avais pas dans le Transsibérien, c'est que je pouvais pas revenir bredouille parce que sinon je revenais pas, en fait. C'est-à-dire que je m'étais pas fixé de date de retour. Je m'étais dit, je rentre quand je suis prêt. Et ça, c'est quand même c'était un luxe assez fort pour moi. Et vous aviez bien fait de prendre ce postulat de base puisque la caravane est restée bloquée plusieurs semaines à Buenos Aires avant de pouvoir partir. Ouais, exactement. Ouais, je me suis rendu compte que bon, c'était une mafia qui gérait les douanes, que c'était très, très, très compliqué. Moi, en plus, c'était rempli de matériel. Donc, ça s'est fini avec des lettres d'ambassade, des bakchiches un peu partout pour enfin récupérer. Donc, j'ai eu le temps de pas mal découvrir Buenos Aires avant de partir. Mais oui, voilà, il y a eu énormément de problèmes comme ça, mais je m'y attendais un petit peu. C'était une grosse aventure, traverser la cordillère des Andes avec une caravane de 2 tonnes. Je savais que ça allait pas tout le temps une partie de plaisir. Ouais, vous saviez que ce serait pas une partie de plaisir et presque vous le recherchiez. Hein. Vous dites finalement, c'est autant les moments positifs que négatifs. Vous cherchiez un peu l'inconfort, voir ce que ça allait générer chez vous. Bah exactement, en tout cas je cherche tout, c'est-à-dire que du coup il n'y a pas de jugement de valeur si c'est positif, négatif, le but c'est d'être inspiré par tout ça. Effectivement, quand j'ai pu parfois être coincé au milieu du désert avec un énorme orage et que je pouvais plus bouger, des militaires qui me disent que toute la région est fermée, que voilà, je suis au milieu de nulle part, il y a pas de réseau, il y a rien. Donc là on est dans le désert d'Atacama, ouais, au Chili, ouais. À 4500 mètres d'altitude, exactement. Désert l'un des plus secs, les plus arides de la planète, ouais. Et il vous arrive cette mésaventure, vous êtes bloqué au milieu de tout ça? Ouais, en fait, 4500 mètres d'altitude, c'était ma limite, plus assez d'oxygène pour alimenter la voiture qui tracte la caravane. Déjà, l'oxygène pour l'humain est déjà un peu compliqué, mais pour la caravane, c'était vraiment trop compliqué. Donc, et puis pas possibilité de faire vraiment demi-tour parce que après on s'enlise dans le sable. Donc, je me suis totalement enlisé, j'ai barré la route. Il y a des gens qui m'ont aidé pour tourner la caravane. Bref, je passe la nuit là. En plus, un énorme orage arrive, donc effectivement, les militaires qui me disent « Vous pouvez absolument pas bouger, maintenant c'est trop tard, couvrez-vous, essayez de vous protéger un maximum. » Et donc, j'ai passé la nuit dans ce contexte un peu particulier, et j'ai passé la nuit à faire de la musique. Et c'était quelque chose qu'on ne peut recréer absolument nulle part ailleurs. Quoi. Ça vous a fait composer 4500 mètres, c'est le titre de... On va en entendre un extrait de ce morceau. Walk to the top of it all on my own. I talk to the clouds in the sky and I'm home. I watch as they shrouded the light on all thrones. I'm high off the climb from the trials that I've known. My lows, as high as I am, I'm still under, I know. With the mind of a man, I still hunger. Was a beast who could kill with his hands. I still wonder how he lost his feet in a land of steel. Wonder how he lost his teeth and then talked to fear thunder. What's it cost for a man to be caught in his slumber? We'll be at 8 billion soon and it won't matter. Alors ça, c'est un featuring avec le rappeur Medeiros. Il n'était pas avec vous hein, dans cette caravane au milieu du désert d'Atacama au Chili. Comment vous avez travaillé avec lui alors? En fait, quand j'ai créé ce morceau, j'avais... pour une fois, pas du texte, j'écris pas, mais j'avais vraiment des idées. Enfin, il y avait un contexte tellement fort que j'avais envie de le raconter un petit peu. J'avais envie de raconter tout ce périple. Et du coup, j'ai envoyé l'instrumental à Jay, et du coup, en lui expliquant tout ce qui s'était passé, quoi. Et je lui ai demandé de m'aider à raconter tout ça. Donc, on a travaillé ensemble. Je lui ai envoyé pendant que j'étais encore là-bas. Et puis après, quand je suis rentré, on l'a enregistré tous les deux ensemble, quoi. Donc, le morceau s'est finalisé, une fois que vous n'y étiez plus, vous étiez rentré. Ouais, exactement. C'est-à-dire toute la partie instrumentale était faite quand je suis était faite là-bas en fait sur ce moment-là, et après on a finalisé avec la voix quand je suis rentré. Aujourd'hui, quand vous entendez ce morceau, ça vous replonge dans ce désert d'Atacama à 4500 mètres d'altitude, planté au milieu de nulle part avec l'orage qui gronde. Ouais, il y a un petit peu de ça. Ça fait ressortir un peu des émotions assez particulières. Mais c'était très beau en fait. C'était magnifique. L'orage est tombé en face de moi, tout seul au milieu du désert. C'était assez exceptionnel en fait. Nous allons poursuivre notre voyage en Amérique latine et plus particulièrement en Argentine avec vous, Tilacine, dans un instant. Mais avant, Juana Molina, une chanteuse et actrice argentine, pour rester dans l'ambiance. C'était Ferocissimo de Juana Molina sur France Inter. Et Juana Molina, on peut aussi l'entendre sur un des morceaux de notre invité Tilacine. Le titre du morceau s'intitule Murga. Ah, 30 est 30. Tant 30. Tant 30. 30. Voici Paolo Bogarena. Tant. Tant. 30. Tant. 30. Non, oui, Des bribes d'échanges entre vous, Tilacine, et les habitants d'un petit village au beau milieu de la Cordillère des Andes. On les entend dans le morceau intitulé 30 de votre album Rhodes. Ouais. 30 parce que là, en fait, c'est une sorte de leçon de français hein, que vous êtes en train de faire. C'est un cours de français, en fait. Ils voulaient apprendre à dire 30 parce qu'ils vendaient des tortillas 30 pesos et c'était ah s'il y a des français on sera trop content de pouvoir dire 30 et il s'avère que 30 est impossible à dire pour des Argentins. On a une variété de tox, tor, tronc, mais 30 ça marche pas du tout. Donc voilà, c'est un échange, ça fait partie des nombreux moments que j'ai passé avec ce village qui est un endroit vraiment très très perdu hein, c'est juste 5-6 maisons de terre au milieu de la Cordillère des Andes. Le village s'appelle Santa Barbara, hein, ouais. C'est ça, il est au milieu de la Cordillère des Andes, un peu au milieu milieu de nulle part. Et alors, faut décrire, mais si j'ai bien compris, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Il y a l'eau qui descend de la rivière, donc c'est l'eau de la rivière, mais qui est plutôt bonne. Ouais, j'imagine. Il y a des petits verres, des fois un peu dedans, mais en vrai, elle est bonne. Et voilà, il y a quasiment pas d'électricité, ils ont quelques petits panneaux solaires. Et voilà, et en fait, moi, je me suis arrêté une fois, j'ai juste passé une nuit, et en fait, à un moment donné, il y avait un bébé qui avait besoin de médicaments, moi j'avais ma trousse de secours et tout, donc j'ai commencé à leur filer des médicaments, et puis eux avaient pas de voiture, donc j'ai commencé à les emmener pour des fois aller cueillir des tomates ou du maïs ou des choses comme ça, ou aller faire des courses dans des plus gros villages, et en fait une relation s'est créée, et j'avais pas du tout prévu de rester, et en fait je suis resté 3 semaines en fait là-bas. Ouais. En échange, eux ils vous ont appris à pêcher à la main, ouais. Par exemple, hein, ça peut ouais, être utile. En fait on partageait tout, et effectivement une fois ils m'ont dit « Ah, on va aller pêcher », je dis « Ah bah ouais, trop bien, moi je suis carrément chaud d'aller pêcher », et donc on descend à la rivière, et puis voilà, on va dans l'eau, puis « Mais vous avez pas du tout de canne à pêche les gars, en fait, il y a rien », « Non mais on a une corde », et en fait on crée une sorte de barrage de branches, et on remonte le ruisseau comme ça, et on attrape les poissons à la main, quoi. Mm-hmm. Ça fait partie du genre d'expérience qu'on a partagé. Alors finalement c'est une rencontre, mais c'est pas une rencontre musicale, non. Mais elle est tout aussi inspirante, vous n'allez pas forcément chercher des sons, c'est au-delà l'inspiration que vous avez puisée. Ouais, bien sûr. En fait, moi j'ai l'impression que j'ai une musique qui raconte et j'aime bien y mettre beaucoup d'émotions. Donc, quand je vis des moments comme ça, où pendant 3 semaines j'ai vraiment vécu au rythme d'Argentin, au milieu de la cordillère des Andes, quoi, à aller cueillir des herbes pour le maté, aller pêcher à la main, on cuisinait tous les jours ensemble, on mangeait tout le temps ensemble. C'est quelque chose qui est presque 10 fois plus inspirant qu'un petit son. C'est une vraie vie qu'on a partagée. Et j'adore me nourrir de tout ça. C'est le moment où je me suis vraiment posé pour vraiment écrire sur là-dessus, quoi. Vous y êtes resté combien de temps ? Entre 3 et 4 semaines, j'ai un souvenir même assez vague, mais ouais. Assez longtemps en fait. Quoi. Mais du coup, vous êtes resté en contact avec eux, parce ouais. qu'on imagine, alors par quel moyen vous êtes Par quel moyen? Alors il y en a quelques-uns des jeunes qui ont un téléphone, qui se partagent un petit peu, et des fois du coup, quand là-bas on captait pas, mais quand ils vont dans des villes un peu plus grosses pour regarder des matchs de foot ou ce genre de choses, on s'envoie des messages et voilà quoi. Les paysages aussi vous inspirent, et de quelle façon un paysage peut vous inspirer? En fait, il y a plein de façons. Alors des fois, il y a des façons très techniques et qui sont très intéressantes, c'est que j'ai pu enregistrer par exemple j'ai pu enregistrer du saxophone. Moi j'ai commencé la musique au saxophone quand j'étais petit, du coup je l'ai emmené avec moi, et des fois je me mettais au milieu d'un canyon en fait, avec une réverbération assez particulière, et je mettais mon micro dedans et je l'utilisais en plus. Mais après il y a plein de choses différentes. Il y a des fois je me suis retrouvé au milieu de lacs salés en très très haute altitude. C'est une sensation assez indescriptible. On est tout seul, c'est absolument plat. On a vraiment l'impression d'être au bout du monde. C'est difficile de savoir et d'expliquer comment ça se retrouve dans la musique. Il s'avère que dans tous les cas, quand je suis dans un endroit comme ça, j'ai envie de faire de la musique, ça c'est évident. Quoi. Alors nous allons nous promener justement dans votre dernier album The Road, et vous allez nous dire à chaque fois les images qui vous reviennent, ouais. Et puis le contexte dans lequel vous avez composé ces morceaux. On écoute un premier extrait de The Road. In 500 meters, go straight, and then go straight. Alors, vous nous situez, on se trouve où? Alors, la Tilacine? On est au début du voyage un peu, et en fait, pour partir un peu de Buenos Aires, j'ai dû faire des journées de route. Je m'attendais pas à ça, je m'étais pas imaginé que le territoire était aussi grand. Et en fait, c'est une ligne droite à perte de vue. Et en fait, c'était ce moment-là, quoi. C'était un côté très hypnotique c'était la première fois pour moi que je conduisais tout droit pendant je conduisais des fois 10 heures par jour, en fait. Et donc c'est ce morceau qu'on est sorti, qui est du coup où le seul son que j'ai pu capter pendant ces moments, c'était le GPS qui me disait va tout droit, et après va tout droit, et va tout droit, et va tout droit. Et j'avais juste ça et ces lignes voilà qui défilaient devant moi, et ces paysages, et du coup c'est le morceau un peu qui en est sorti, quoi. Vous voyagiez seul ou un peu de tout. Des fois j'avais un réalisateur qui m'accompagnait au début, des fois il y a eu des réalisateurs argentins qui m'ont retrouvé. J'ai pris le luxe aussi de ramener mon ingénieur du son au milieu de la cordillère des Andes, qui m'a aidé à approfondir, à travailler des choses sur l'album. J'ai ma copine qui m'a rejoint quelques semaines aussi. Ça a été, voilà, j'ai passé près de la moitié du temps seul, et puis des fois avec des gens qui me rejoignaient en cours de route. Il y a eu une part d'improvisation où vous aviez un trajet des étapes. C'était que de l'improvisation, ouais. En fait. C'est-à-dire que c'était un peu l'avantage, et vu que j'avais du temps, j'avais une carte, je m'étais donné des points qui potentiellement m'intéressait, mais le but c'était de rencontrer des gens et que ces gens influent sur mon parcours en fait. Alors vous parliez tout à l'heure de ce saxophone, hein. Au départ vous êtes musicien de saxophone et effectivement vous en avez joué dans différents endroits. On va en entendre, en avoir un aperçu dans Salitiera. Vous avez dit, Tilassine, tout à l'heure que vous aviez joué soit dans les canyons, un peu encaissés, soit sur un désert de sel, ouais, complètement là, désert. Là, on est où ? Et ben là, on est dans un désert de sel, ça s'appelle la Salinas Grandes. Et en fait, je ne sais pas si on l'entend bien, mais en fait, le son de saxophone est très soufflé, c'est un petit peu compliqué, en fait, parce que j'avais très peu d'oxygène, on était très haut, on était à 4200 mètres, en fait. Et du coup, j'ai adoré ça parce que ça me faisait jouer différemment. On sent un peu un souffle, c'est un petit peu plus poussif, et donc là on est au milieu d'un lac salé, donc il y a que 5 cm d'eau en fait, c'est extrêmement calme, il y a juste une brise qui berce un petit peu la caravane, c'est un moment hors du temps, très calme, en même temps assez puissant quoi. Et là évidemment on le sent, hein, ce côté calme, évidemment la musique est fait ressentir ce que vous avez ressenti vous dans ce désert de sel. Ouais, c'est ça, c'était un peu de le transmettre, et en fait j'ai même pas besoin de me poser la question de me dire comment je vais transmettre ça. En fait, quand je suis dans un lieu comme ça et que je commence à composer, forcément ça transparaît en fait. Ouais. Allez, un dernier exemple pour Mamarca. Celle-ci est absolument superbe. Alors, on peut avoir, rien qu'avec ces quelques exemples, un aperçu de la diversité de votre palette. Hein. Les morceaux ne se ressemblent pas les uns les autres. On imagine que les paysages et les sensations non plus ne se ressemblaient pas. Là, on est où ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ce morceau ? Eh ben, on est à Pourmamarca, justement. C'était un petit peu le premier vrai arrêt où j'ai passé du temps. C'est un petit village vraiment au nord-ouest de l'Argentine. Et c'est un village où j'ai rencontré des musiciens, et notamment ils avaient leur père en fait qui fabriquait des instruments, et notamment un charango qui est un instrument local que j'ai acheté là-bas, que j'ai appris un petit peu à jouer, qu'on peut retrouver dans ce morceau. Et la voix qu'on entend, c'est une musique, c'est un musicien qui s'appelle José Lalalde, et c'était de musique que des gens m'ont fait partager en fait. À chaque fois que je rencontrais des gens, je leur disais, mais c'est quoi vous la musique que vous écoutez en fait, faites-moi partager un peu ce que vous écoutez tous les jours, et ça en fait partie quoi. Comment vous faites pour faire ressortir toutes ces émotions, toutes ces histoires lors des concerts ? Évidemment qu'il y a des ambiances qui se dégagent de vos morceaux, mais en vous faisant parler, on capte qu'il y a quand même infiniment plus. Ces paysages sont merveilleux. Comment vous insufflez ça dans vos concerts ? Eh ben, c'est tout un autre travail pour moi. C'est-à-dire que j'aime bien aussi transformer vraiment les morceaux en concert, les faire vivre, leur donner une deuxième vie. J'ai pas envie de jouer juste un album tel qu'il est. Donc je me sers de toute cette matière, je la fais un petit peu éclater, exploser. Et puis après, c'est aussi tout un travail de scénographie et de vidéo où j'utilise plein d'images que j'ai pu faire là-bas, que je mêle avec ma musique, avec le rythme et tout ça. Donc ça m'accompagne derrière moi. J'ai créé une sorte d'énorme écran qui est un petit peu aux proportions de la caravane et qui me suit derrière moi et qui retransmet un petit peu tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette caravane, d'ailleurs ? Eh bien, elle est dans le jardin de mes parents, en Anjou, et en fait, j'y vais assez régulièrement, en fait. C'est mon studio, hein, c'est vraiment là où je travaille la plupart du temps, et elle attend de repartir. Elle attend de repartir, c'est-à-dire que vous repartirez. On peut dire ouais, où ? Bien sûr. Non, on peut pas dire où. Ouais. Vous savez moi, où vous retournerez. Je sais. Et puis voilà, il s'appelle Volume 1. C'est pas pour rien. Le but, c'était de créer vraiment un mode de création qui me ressemble. J'avais pas envie de créer un studio à Paris. Donc voilà, c'est ça mon studio. Et maintenant, j'ai envie de l'emmener dans différents endroits pour voir. Je crois qu'une des destinations qui vous ferait rêver, c'est la Station spatiale internationale. Alors c'est pas pour tout de suite, mais vous savez que Thomas Pesquet avait lui aussi emporté un saxo à bord de la Station spatiale internationale. Il a joué en un pesanteur et ça donnait ça. Tilassine, un avis de spécialiste. Bon, il n'est pas obligé de savoir tout faire parfaitement non plus, hein, Thomas Pesquet. Je ne me permettrai pas du tout de critiquer. Je me permets pas. Ben oui, si vous voulez votre ticket pour l'espace, il faut montrer pas de blanche. Merci Tilassine, votre dernier album s'intitule Roads. C'est le volume 1, il y en aura d'autres, on l'espère et on vous le souhaite. Je signale deux dates de concert aussi, le 19 juillet à Rochefort au festival Stéréo Parc et le 27 juillet au festival Paléo Festival à Nyon. Restez avec nous, Tilassine, dans un instant. Éric Birlouez nous emmène pour une nouvelle odyssée gustative sur la piste d'un fruit qui vient de loin. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, full by the mountain. I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors, yes sir, all my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other, all my favorite colors. It's a good day. C'était Colors, The Black Pumas sur France Inter. La programmation musicale est signée Djoubaka. Regardez, des ignames, des papayes, des taros. Mais cette île est un jardin de richesses vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de tubercule. Je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivée. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carotte ? Oh, c'est surprenant. Bonjour Éric Birloez. Bonjour Daniel. Vous êtes historien et sociologue de l'alimentation et chaque semaine vous nous emmenez sur la piste d'un nouvel aliment. De quel aliment on parle aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler à nouveau d'un aliment voyageur, baroudeur. Alors, c'est un fruit qui est devenu très courant, mais que les plus âgés de nos auditeurs ne connaissaient pas lorsqu'ils étaient enfants. Un fruit dodu, à la peau brune et fine, recouvert d'un fin duvet de petits poils, une chair de couleur verte, parsemée de toutes petites graines noires, une texture fondante, juteuse, un goût acidulé, et c'est une bombe de vitamine C, donc un fruit qui donne la pêche. Bien sûr, Daniel, vous avez reconnu... Le kiwi ! Eh oui, le kiwi, et pour paraphraser Pierre Perret, je peux vous dire qu'à la fin de cette chronique, tout, vous saurez tout sur le... kiwi. Alors allons-y, pour commencer, où est né le kiwi ? Eh bien, pas en Nouvelle-Zélande, comme on le croit parfois à tort, à cause de son nom kiwi, qui est aussi le nom de l'oiseau sans ailes, emblématique de ce pays d'Océanie. En réalité, le berceau du kiwi, c'est le sud-est de la Chine. Les kiwis sauvages étaient cueillis pour entrer dans la composition de remèdes traditionnels, mais ils n'étaient pas dégustés comme des fruits. Alors comment ce kiwi originaire de Chine est-il arrivé chez nous ? Eh bien, la première description du kiwi faite par un Européen date de 1740. On la doit à un Français nommé, je reprends ma respiration, Pierre-Nicolas Le Chéron d'Incarville. Mmh. C'était un père jésuite passionné de botanique qui avait passé 17 années à la cour de l'empereur de Chine dont il était devenu l'un des proches. Et donc, c'est à cette époque que le kiwi arrive dans notre pays ? Eh bien non, il faudra encore attendre 160 ans. En 1899, deux pieds de kiwi sont introduits au Jardin des Plantes de Paris, mais comme ces plants étaient moribonds, ils ne vont survivre que quelques années. En 1903, deux nouveaux pieds, en pleine forme ceux-là, sont implantés au sein du jardin alpin de ce même jardin des plantes. Et aujourd'hui, Daniel, vous pouvez toujours y admirer ces arbres à kiwi plus que centenaires. Dans ce tout début du XXe siècle, le kiwi met également le pied en Californie, puis en 1906 en Nouvelle-Zélande. Mais dans tous ces pays d'accueil, on ne trouve l'arbuste que dans les jardins botaniques. On l'apprécie pour son aspect ornemental décoratif, mais on ne s'intéresse nullement à ses fruits. Personne n'a l'idée de le goûter. Alors que va-t-il se passer pour que le kiwi rejoigne enfin nos corbeilles à fruits ? Les choses vont commencer à changer à partir de 1924. Cette année-là, des arboriculteurs néo-zélandais parviennent à obtenir une variété à gros fruits et ils se mettent à la cultiver à grande échelle. Mais ce n'est qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que commence vraiment l'exportation des kiwis dans le monde entier. Avant de lui donner son nom de kiwi, ce qui sera fait en 1959, les exportateurs néo-zélandais commercialisaient ce fruit sous le nom de groseille chinoise. Et là, vous imaginez bien qu'en pleine guerre froide, c'était pas un nom très vendeur auprès des consommateurs américains qui ne voulaient surtout pas manger communiste. Eh oui. L'autre nom qui avait été initialement donné au kiwi était souris végétale. Ouais, pas terrible n'était non plus. Pas hein. Très heureux non plus. Non. Les Français ne tenaient vraiment pas à manger de la souris, même végétale. Et donc, dans la seconde moitié du XXe siècle, d'autres pays que la Nouvelle-Zélande vont se lancer dans la culture de kiwi, dont la France à partir de 1969 précisément. Et le kiwi a d'autres particularités. Oui, la plante qui produit les kiwis, Actinidia deliciosa, est un arbuste grimpant, une liane avec de très longs rameaux pouvant pousser jusqu'à 10 mètres en une seule saison. Autre particularité, le kiwi est un fruit qui mûrit très lentement et qui est climactérique. Climat quoi ? Non, pas climato-sceptique, ouais. Mais climactérique, ce qui signifie que les kiwis continuent à mûrir après la récolte. Alors, où cultive-t-on le kiwi aujourd'hui ? En 2017, le premier producteur mondial était la Chine, le berceau donc de ce fruit. Cette année-là, la Chine avait produit la moitié des kiwis récoltés sur la planète. Venait ensuite l'Italie, la Nouvelle-Zélande en troisième position, puis l'Iran, la Grèce, le Chili et la France qui arrivait en septième position. On y cultive le kiwi, surtout en Aquitaine et en Corse. Alors il faut savoir qu'il existe une autre espèce de kiwi à la chair jaune vif, le kiwi gold, qui a été lancé il y a 20 ans par les Néo-Zélandais. Et une troisième espèce, c'est le kiwai. Alors c'est pas un kiwi qui aurait pris l'accent britannique, mais un kiwi de la taille d'une cerise, sans poils et qui peut donc être mangé avec la peau. Et c'est bon le kiwai ? Ça a quel goût ? Ah bah c'est légèrement acidulé comme le kiwi. D'accord. Mais on n'a pas besoin de l'éplucher, ah, ce qui est quand même une aubaine pour les paresseux. Une recette, on a le temps de donner la recette. Alors une recette facile, rapide, de mousse de kiwi, beaucoup moins calorique que la mousse au chocolat. Ah, donc il vous faut 4 kiwis, 2 œufs, 60 grammes de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé, rien d'autre. Alors vous séparez les blancs des jaunes, là je parle des œufs, hein, pas des kiwis. Mm-hmm. Vous coupez les kiwis en deux, avec la pointe du couteau vous enlevez ce que vous pouvez de graines noires et vous passez la pulpe au mixeur sur feu doux. vous mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'au blanchiment, vous y ajoutez la pulpe de kiwi, vous laissez cuire une dizaine de minutes tout en remuant, puis vous battez les blancs en neige et vous les incorporez délicatement au mélange hors du feu. Et enfin, vous versez la mousse au kiwi dans des coupes individuelles que vous placez au frigo pendant au moins 2 heures. Voilà. Vous servez avec quelques rondelles de kiwi pour la décoration. C'est beaucoup plus léger que les pâtés de sucre que vous nous aviez proposé la semaine dernière. La dernière fois, absolument. Merci Eric Birloez. On va mettre évidemment la recette sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Et puis je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Eric. Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale? Et il est publié aux éditions Ouest France. À la semaine prochaine, Eric. À lundi, Daniel. Et Tilassine, je rappelle aussi le titre de votre dernier album, Rhodes, volume 1, les deux concerts, le 19 juillet à Rochefort, au festival Stéréoparc, et le 27 juillet au Paléo Festival à Nyon. Merci Tilassine. Un grand plaisir. Vous avez appris quelques trucs sur le kiwi en ouais, restant... j'ai très faim maintenant. Jusqu'au bout. Et ben vous allez pouvoir aller manger. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre cette route, je vais couper par là et on se retrouve de l'autre côté. Demain, nous nous intéresserons aux grandes crises d'extinction survenues à plusieurs reprises dans l'histoire de notre planète. Et puis à 17h, nous partirons bivouaquer au milieu des loups et des ours avec le philosophe trappeur Baptiste Morisot. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et puis après le journal, vous avez rendez-vous avec Laïla Kadour Boudadi pour un nouveau mag de l'été.